J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Et salut à tous et bienvenue sur Radio Campus Montpellier, vous êtes sur le 102.2 et comme on vient de le dire, c'est Comics Discovery. Alors aujourd'hui nous sommes encore une fois en équipe restreinte, à chaque fois en fait, chaque épisode il va y avoir quelqu'un en moins. Donc c'est Mathieu qui n'est pas là, donc on pense fort à lui, donc voilà. Mais je suis avec Juni, salut Juni. Allô. Allô à l'huile, c'est le grand jeu. Et vous venez de l'entendre, nous sommes avec Faye aussi, salut Faye. J'ai récupéré un peu de voix. Voilà, et moi aussi j'ai récupéré un peu de voix par rapport à la semaine dernière où c'était vraiment, vraiment horrible. Je me suis réécouté et j'ai compris la souffrance que vous avez dû subir. Et nous avons deux invités en plus. Bon, franchement, à chaque fois, on a des invités dans cette, dans cette nouvelle rentrée. C'est Lolita et Marc. Salut. Des Coucou. Étudiants en sociologie qui s'intéressent à la pop culture et aux super-héros. On vous en parlera un peu plus longuement tout à l'heure. Est-ce que ça va bien? Ça va et toi? Ça va. C'est la première radio, ils sont un peu stressés. Mais ils sont très sympathiques. Ça va aller, ça va aller. Allez, bon, on va partir directement et sur les news, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Qu'il est bien ce générique, je le dirai à chaque fois, mais il est génial. Donc on va parler directement de Rebirth qui fait augmenter ses prix. Donc alors ce sera plus pour les lecteurs VO par contre. C'est DC qui va augmenter tous ses issues mensuelles qui étaient à 2,99$ et qui vont passer à 1$ de plus, donc 3,99$. Avec le même nombre de pages? Le même nombre de pages, ouais. Ils n'ont pas expliqué pourquoi ils augmentaient, mais t'as une bonne partie. Bah pour se faire plus de thunes. Oui, voilà, je crois que c'est une bonne raison. Donc t'as une bonne partie des titres mensuels. Pas les bimensuels, mais les mensuels qui vont augmenter. C'est un peu dommage pour les lecteurs VO qui vont devoir payer un peu plus pour lire leurs comics. Voilà quoi. C'est clair que moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté d'acheter de la VO. Parce que je trouve que ça revient super cher VO, pour quelque chose de tout cher, fin. Ouais. Quoi, parce que ça revient à 4$, donc 4$, ça fait après 5€ a priori. Si tu commandes sur des sites, t'as les frais de port. Ouais. Pour des trucs vachement fins, parce que on parle de une issue, donc ce que vous avez en kiosque par exemple, c'est vraiment juste un tout petit chapitre. Ouais. Microscopique avec des pubs. Avec plein de pubs, ouais. Avec plein de pubs. Et toi d'ailleurs, Juni, qui parlait de. Tu sais, quand tu lisais justement en kiosque, des fois tu savais plus ce qui s'était passé avant et tout. Quand tu lis les petits trucs comme ça, c'est encore pire, je trouve. Mm-hmm. J'ai arrêté en fait, mais maintenant je les achète par volume en fait, ouais, directement. Je fais comme par TPB, ouais. Cela dit, ils ont monté à quoi? Tu m'as dit, ils sont à 3 maintenant? Ils sont à 4$ après, 3,99 au lieu de 2,99. Ok, donc ils ont atteint les prix de Marvel qui, si je me trompe pas, Marvel avait les 4-5, donc Ouais, voilà. Bon. Voilà, c'était juste pour parler de ça. Donc voilà. Comme ça, parce que tu veux râler. J'avais envie de râler. On va continuer à râler avec une autre news. Et c'est une affaire qui va pas redorer le blason des lecteurs de comics, puisque c'est le scénariste Gerard Jones. Vous connaissez pas, il a bossé sur Batman et sur Green Lantern. Et il a reçu un Eisner Award pour Man of Tomorrow. Et en fait, il a été arrêté en début du mois pour possession d'images pédopornographiques. Voilà. C'était un peu triste comme affaire. En plus son avocat avait eu le culot de dire qu'il faut pas mêler le torchon et les serviettes entre les gens qui font des agressions sexuelles et juste des gens qui possèdent et qui diffusent des images pédopornographiques, c'est pas la même chose et tout. Donc voilà, la justice américaine. On ne souhaite rien de bien à Gerard Jones parce que c'est vraiment pas cool comme truc, mais voilà, c'était pour en parler. Donc voilà. C'est dommage pour les scénaristes de comics. Vous avez la réputation. Ouais, la réputation est un peu ternie, un peu plus. Mais non, c'est bon, on le sait que c'est tous des monstres de toute façon. Il y a qu'à voir comment ils dessinent les femmes dans les comics et tout, et les enfants et autres. Voilà. Pourquoi les enfants? Tout à l'heure, il parlait d'Iron Man, la jeune adolescente. Là. Ah oui. Ça avait fait choc. On en avait déjà parlé de Scott Campbell. Il a rien, ce dessin. Oui, il a rien, il est nu. Enfin, c'est juste que ça moule beaucoup la sifflounette. Voilà. On en a déjà parlé dans une ancienne émission, donc on va pas revenir sur ça. Tiens, pour le dire poliment. Une autre news qui va bider, je pense, attention. parce que en fait je comptais sur Mathieu, mais Mathieu n'est pas là parce qu'en fait j'avais une news sur les Inhumains et en fait on ne connaissait pas encore le roster de la série télé, parce qu'il va y avoir une série télé qui va arriver début septembre sur la chaîne ABC. Et en fait on vient d'avoir grâce aux annonces de casting une idée du roster que va avoir série. Donne les noms. Ouais. Et en fait je voulais vous les faire deviner parce que j'ai les annonces à peu près de casting et j'avais envie que vous me disiez sur quel personnage vous pensiez que ça va être, mais apparemment il n'y a que Johnny. D'accord, vas-y, essaye. Alors, toujours, on va commencer. Pas tous les noms, hein. Je vais pas les mettre dans l'ordre parce que sinon ça va être trop simple à deviner. Alors, un homme entre 25 et 35 ans, impétueux. Alors, c'est un personnage impétueux possédant un sérieux problème de contrôle de soi qui se met souvent dans des situations délicates. Alcool, femme, combat et son rythme quotidien. Il aime la vie, il vit dans le moment présent pour le meilleur et pour le pire. Non, je vois pas. J'ai envie de dire Gorgon à cause du côté agressif, mais sinon. C'était ça. Putain, vous êtes fort. Bravo, bravo. Alors, on va passer à un autre personnage. On fait ça vite. Alors, un homme entre 30 et 40 ans. Un homme entre 30 et 40 ans, caucasien, qui est décrit comme intelligent, avec du charme, ayant de l'aisance. Il est vu comme un homme du peuple, mais au fond, il convoite le pouvoir. Maximus. Putain, mais t'es vraiment fort, hein. Passer à un autre personnage. Alors, un homme entre 30 et 40 ans, il est décrit comme ayant un regard qui peut en dire beaucoup, puisqu'il n'ouvre pas beaucoup la bouche. Black Bolt. Ouais, voilà. Je le connaissais celui-là, j'ai pas eu le temps de le dire. Il est réfléchi, privé, il n'est pas habitué à devoir poser des questions. Celui qui a une femme. Ou celui qui a une femme, ouais. Ah. Avec la Médusa qui a les cheveux qui partent dans tous les sens. Et l'avant-dernier, alors, homme entre 30 et 40 ans, son esprit et son meilleur atout, maître en arts martiaux. Carnac. Putain, mais t'es trop rapide. Je dis qu'il fallait faire vite. T'aurais dû le faire question pour un champion. Ouais, voilà, attention, question chez vous, attention, Zedanon. La dernière. Non, mais question pour un champion, c'est pareil, chaque fois qu'il parle de jeu vidéo. C'est celle-là. Attention, question chez vous. Une femme entre 30 et 40 ans, caucasienne, présentée comme une élégante. Oui. En même temps, c'est la seule meuf. C'est la seule majeure. C'est la seule fille majeure du groupe. Tu vois, de suite, il y a plus l'ambiance là. Et là, ils expliquent un truc qui est marrant. Il explique qu'elle peut percevoir les envies et les trucs d'autrui. Parce que c'est un truc que j'avais jamais compris. Si vous connaissez pas les personnages des Inhumains, donc les Inhumains, c'est des espèces de mutants, mais extraterrestres. Et leur chef, qui s'appelle Black Bolt, rien qu'avec sa voix, il peut détruire des univers. Donc il peut pas parler, c'est ça son problème. Mais sauf que c'est le roi des Inhumains, donc il faut qu'il règne sur son peuple. Et il est avec sa femme, et sa femme s'est jamais dit qu'elle a des pouvoirs de télépathie. Et elle parle tout le temps à sa place. Et je me suis toujours demandé, mais comment ça se fait qu'elle sache de qu'est-ce qu'il pense et qu'est-ce qu'il va. Eh bien, je peux te répondre. Vas-y. C'est parce que derrière chaque homme, c'est une femme qui dirige, et que vous fermez votre gueule, c'est tout. D'accord. Tout simplement. Et du coup, la série Inhumain, elle fait suite à la série Agents of S.H.I.E.L.D. Elle fait la suite à la série Agents of S.H.I.E.L.D. Elle va sortir au cinéma, les deux premiers épisodes vont sortir au cinéma, et après sur ABC. J'ai peur. Ouais. Coup, tu veux dire, ça va suite ou ça sera en parallèle? Ça sera en parallèle. Donc il y aura des crossovers entre les deux. Ouais, peut-être il y aura des crossovers. Et comment ça va se passer au cinéma? Les deux épisodes d'un coup? Bah, c'est comme. C'est pas Clone Noir qui a été sorti. Les deux. Clone Noir, Star Wars Clone Noir, ils avaient sorti les deux premiers épisodes au cinéma ou un truc comme ça. Non, c'est qu'il y a un film Clone Noir qui est sorti au cinéma et après tu as eu la série, mais c'est pas. Ah, ok. Moi je sais plus alors. Mais sur le titre. Bon, bah je sais pas comment ils vont. En tout cas, aux États-Unis, je sais pas si ça va sortir en France, les deux premiers épisodes sont rentrés dans un seul. Comme un film en fait, et ça va être diffusé. Ouais, 2 fois 45 minutes. Ouais, voilà. Ça va être diffusé au cinéma. Je pense qu'au cinéma, ça sera diffusé comme un long métrage et c'est pour la télé qu'il y aura un autre montage. Ouais, mais je sais pas si ça va être diffusé en France. On est dans l'expectative. À mon avis, ça m'étonnerait parce que regarde, genre Sherlock ou Doctor Who, ça passe au ciné dans plein de pays sauf chez nous. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et pourtant, les gens attendaient. Exactement. Et bon, on va passer aux sorties VF. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de news cette semaine. Et puis on s'en fout. Ouais. J'avais un peu la flemme de chercher aussi. Alors on va passer par un comics qui sort chez Delcourt pour le prix de 19,99€, Maryse. Il s'appelle Astronaut in Trouble. C'est écrit par Larry Young et dessiné par le grand Charlie Adler. Donc Charlie Adler, c'est quelqu'un qui a bossé sur Walking Dead, je crois. Ouais. Donc je vais vous rappeler le pitch, voir si ça vous donne envie ou pas. Alors c'est près de 50 ans après ce petit pas pour l'homme effectué par Neil Armstrong sur la Lune, devenu un grand pas pour l'humanité, l'homme le plus riche du monde revendique la possession du satellite terrestre. Et la chaîne TV Channel 5 est allée couvrir cette incroyable et haletante aventure dans l'espace. Vraiment personne ne vous entendra hurler. Donc, qu'est-ce que ça vous donne envie ou pas? Je sais pas, un mix entre aliens et je sais pas quoi. Je crois qu'il y a un truc avec des Russes qui ont la bombe nucléaire ou des trucs comme ça. Ah, ça peut être intéressant quand même. Et Charlie Adler, c'est assez joli. Ouais, ouais. Bah, faut le dire. Il faut le dire, faut le dire, mais dans son micro, par contre. Voilà, là. Oui. Et on va passer à un autre titre de Delcourt, c'est Mon Stress, alors, qui est écrit par Marjorie Liu et dessiné par Sena Takeda. Alors, c'est un mélange entre du steampunk et du kaiju. Donc, ça, déjà, ça, c'est hypant un peu. Alors c'est un juste kaiju, déjà, kaiju, c'est les monstres, genre Godzilla, tout ça. Voilà. Donc c'est un récit qui se déroule dans une Asie uchronique du début du 19e siècle, avec un univers avec l'influence art déco. Donc c'est Maika, une jeune adolescente qui partage un lien psychique avec un monstre au pouvoir incommensurable, et ce lien va profondément les affecter tous les deux. Il va placer Maya au centre d'une guerre terrible entre les humains et les forces issues d'un autre monde. Avec Mon Stress, Marjorie Liu, romancière à succès, et Sena Takeda crée une nouvelle série dans Entertainment. Entertainment Weekly a dit que c'était la meilleure série de l'année. Bah écoute, moi ça me donne envie. En plus Marjorie machin là, Liu, elle bosse pas sur Han Solo. Je ne sais pas. Je n'ai pas noté. Non, mais pas. Je me demande si elle bosse pas sur Han Solo. Et est-ce que Juni, ça t'a hypé un peu? La première fois que j'ai entendu parler de cette série, ça faisait partie de tous ces mouvements et articles du genre personnage féminin fort, etc. Ouais. Donc ils avaient tellement axé dessus que au final il y avait assez peu d'informations sur l'histoire. Donc là tout ce qui est concept steampunk et kaiju, moi ça m'intéresse. Avec l'art nouveau, tout ça, moi j'aime l'art nouveau. Marc, Écoute, moi c'est pas forcément mon style. Ouais. Tout ce qui est steampunk et tout, mais bon, écoute, pourquoi pas. Après, je connais pas tous les noms que t'as donné, donc si c'est des gens qui maîtrisent leur sujet, pourquoi pas. Ok, et Lolita, excuse-moi, j'avais oublié ton prénom. Bah, moi, c'est un peu pareil que Marc en fait. L'univers steampunk, c'est pas trop. Ouais, ça devient pas trop du rêve. Mais pourquoi pas, ouais. Alors, quand tu rajoutes des kaijus, tout est mieux. Hein. Ouais, voilà, ouais. Exactement. Putain, plus belle la vie avec des kaijus. Exactement, moi, c'est génial. On va passer au titre dont je pense qu'on va parler la semaine prochaine. C'est Injonction qui sort chez Urban pour le prix de 10€, attention. Mathieu nous en avait parlé dans un coup de cœur. Je crois aussi. C'est écrit par Warren Ellis. Warren Ellis, on vous en a beaucoup parlé ici, puisque c'est le monsieur derrière Planetary, c'est le monsieur derrière. Excellent, plein de. C'est un scénariste génial. C'est dessiné par Declan Chavez, et Declan Chavez, c'est un mec génialissime aussi, qui a fait Moon Knight, si vous ne savez pas qui c'est. Alors, il était une fois 5 génies excentriques, excusez-moi. Après avoir empoisonné le 21e siècle, ils doivent désormais trouver un moyen de survivre au monde qui ne tolère plus la vie humaine sur son sol. Donc moi ça me hype bien, je pense qu'on va en parler la semaine prochaine. On a réussi à choper le comics Moi ça me donnait envie quand Mathieu nous en avait parlé. Ouais. Juni, un c'est petit... dessiné par Chalvi, donc je prends. D'accord. Tu prends. Ouais. Marc, redis-moi s'il te plaît. C'est Warren Ellis et Declan Chavez, c'est Injonction. Mais le plot, C'est des génies apparemment qui doivent gérer la pollution sur une vie qui ne tolère plus une planète qui ne tolère plus la vie humaine. Ah bah ça c'est des thématiques un peu actuelles. Quoi. Ouais, un peu écologie, ouais, tout ça. Bah ouais, pourquoi pas. Ok. En plus le prix il est pas abusé. Okay. Oui, c'est bien les petites séries indées là qui sortent. Je crois que c'est un truc qui était chez Image, ouais. Et donc il y avait pas, c'est pas Witch, je sais pas quoi que tu. Oui, Witches était sorti de Scott Snyder, au même prix, il ouais. Me semble que. Et le truc dont t'as pas, Deadly Class aussi était parti à le premier était à 10€, je crois. Mm. Ouais, donc voilà. Franchement, Urban. On parle beaucoup de vous, mais vous faites des trucs bien. Franchement, c'est parce qu'ils font du bon boulot, séries, sinon, ouais. Voilà. Quoi. On va passer avec une deuxième série Urban, donc c'est Justice League of America, qui sort pour un prix un peu plus gros, c'est 28€. Ça contient les épisodes c'est un vieux run de Justice League, donc of America, donc de GLA 1 à 9, et GLA Might of Summer Nightmare. Donc voilà, je vais vous pitcher, excusez-moi. Oh, Nightmare, ça va. Nightmare. Alors, c'est Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Green Lantern et Flash, qui sont les plus grands héros de la Terre, tout le monde le sait. Non, excusez-moi, parce que je ne lis pas, mais je fais des copier-coller, je ne lis pas du tout ce qui vous apparaît. Mais quel manque de professionnalisme, franchement. La formation de la Justice League. Donc voilà, c'est un vieux run de chez Urban, pré-New 52. Donc Prenez une visite tout. Ouais. Pourquoi pas, ça peut être cool. Et on va passer à la première pause musicale. Et bon, je vous avais promis, c'était quoi? C'est 1979 de Smashing Pumpkins la dernière fois. Et je m'étais trompé de deux morceaux, donc cette fois, on va passer le bon morceau. Parce que ce morceau est génial quand même, il faut le dire. Ouais. Et donc c'était Smashing Pumpkins avec 1979, le titre que je vous avais promis la semaine dernière, et du coup, bah voilà, vous l'avez eu. Donc vous êtes toujours sur Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux et fabuleux du comics. Vous êtes sur Radio Campus Montpellier, sur le 102.2, aussi sur internet, sur comicsdiscovery.fr ou sur radiocampusmontpellier.fr. Et on va partir sur Flash. On avait envie de vous parler de Flash aujourd'hui. En plus, c'est l'occasion, puisque la semaine dernière est sorti Jeff Jones présente Flash. Et bah, est-ce qu'on présente un petit topo vite fait sur le personnage avant de lancer complètement dans le... Bah tu voulais parler du personnage, quoi. Donc pour les gens qui ne sauraient pas qui est Flash, donc déjà Flash c'est plusieurs personnes. Déjà vous avez Barry Allen, enfin non, vous avez... en premier vous avez Jay Garrick. Ouais. Donc je vais pas avoir les dates en tête, mais c'est un héros du Silver Age, donc qui avait une espèce de bol sur la tête et qui courait très vite. C'est un chapeau de c'est la un première casque militaire. Une espèce de petite soucoupe casque militaire sympathique avec des petites uselles. C'est ouais, très, voilà. Très aérodynamique. Et le perso a été réinventé après un peu plus tard au début du Silver Age, je crois, ou du Golden Age, je sais plus. 1956 pour Barry Allen. Voilà, merci. Par Carmine Infinito, je crois. Donc c'était Barry Allen, donc un policier qui bosse dans l'équipe scientifique. Ouais, et genre un CSI, ouais, un CSI ou un expert, ouais. Et qui s'est fait foudroyer et en même temps il est tombé des produits chimiques sur lui et il a chopé un lien avec la Force Vélos ou la Speed Force. Speed Force. Ouais. Moi j'aime bien la Force Vélos. Moi je pense à un vélo, Force Vélo, tu vois. Là. Non. J'imagine faire du vélo. Tu vois, tu peux dire des conneries quand même. Ouais, en fait, je vais rester avec vous. C'est trop bien. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai en train de dire? Oui. Du coup, il a la force de courir très très très vite. Il court très très vite. La force de courir très très vite. Ça veut rien dire du tout. Et voilà. C'est a priori c'est tout. Et oui. Et oui. Je partais sur autre chose. Et il y a comme dans les comics, le costume est porté par plusieurs personnes. Il a aussi été porté par le personnage dont vous parlez aujourd'hui, puisque c'est lui qui est dans ce run-là. C'est Wally West, qui est le neveu de Barry Allen, qui lui aussi a été foudroyé par la foudre. C'est comme par hasard, endroit et au même. Les probabilités, impossibles. Ouais, exactement. Et puis, il me semble pas qu'il y avait aussi les mêmes produits chimiques. Oui, les mêmes produits chimiques. Comme par hasard, il est tombé. C'est pas grave. Ouais. Donc avant, il était Kid Flash, donc c'est le sidekick de Flash. Et quand Barry Allen a disparu suite à Crisis in Infinite Earth, je crois. Infinite Bref, Crisis. Il est mort. Infinite Crisis, oui, excuse-moi. Donc malheureusement, il s'est sacrifié pour l'humanité. Et donc Wally West a récupéré le costume. Donc voilà. Ok. C'est le petit topo sur Flash et c'est un personnage que j'aime beaucoup pour les gens qui ne connaîtraient pas. C'est un peu le côté Batman mais en lumineux en fait. C'est comme ça que moi je le présente la plupart du temps. Non, c'est pas. Je sais pas si j'aurais utilisé cette comparaison. Moi j'aurais plus comparé à Spider-Man. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le Spider-Man. Je tabasse et j'ai un peu le Spider-Man. J'ai aussi tendance à le voir un peu comme un Superman mais avec moins de pression sur les épaules. C'est-à-dire qu'il est dans une ville plus lumineuse, il a son cercle social qui est vachement plus développé que Batman, qui est en dehors des jeunes membres de son groupe direct, il voit franchement pas grand monde. Et disons que lui, il a vraiment une relation avec les gens, même une relation publique en fait. Il a un musée à son nom et tout. Voilà, et il est sympa avec les gens sont sympas avec lui. Et même dans la BD là, dont on va parler aujourd'hui, les gens savent même qui il est réellement, etc. Donc il a vraiment une relation différente. Avec son environnement. Moi, je faisais un lien avec Batman parce que c'est quand même c'est un flic à la base. C'est quelqu'un qui est très Batman, dans. Batman, c'est pas un flic. Oui, non, mais oui, mais Flash. Batman, c'est il un est flic. Riche. Il a jamais bossé Batman. C'est un feignant, ouais, vas-y. Et du coup, il a un côté enquêteur. Il y a quand même un côté enquête dans ce que j'ai vu de Flash. Il y a souvent un petit côté enquête et ça revient souvent quand même. C'est pour ça que je le comparais un peu à Batman. C'est un Batman un peu plus lumineux qui a un côté très familial parce que tous les personnages dont je vous ai parlé, donc Jay Garrick, Barry Allen, Wally West, tout ça. Et après vous avez d'autres sidekicks à côté. En fait, ça fait une espèce de Flash Family où ils se réunissent tous. Et tout le monde court vite. Ouais, voilà. Le dimanche ils font des barbecues, ouais. ils courent autour du barbecue très vite. Donc voilà. Et on va peut-être partir sur le run directement. Enfin, sur le scénario. Tu voulais peut-être que je te présente donc d'abord le scénariste. Ouais, vas-y. Alors Jeff Jones. Jeff Jones, c'est ça? Jeff Jones. Ça s'écrit très mal son nom. Le roi des céréales. C'est vrai. Il aime beaucoup les céréales. Ah bon, d'accord. Alors en fait, c'est un scénariste donc qui travaille chez DC et il a un contrat exclusif avec eux. Bon, en même temps, c'est le président de DC Entertainment. Voilà, mais ça c'était après. Mais au début, il a commencé comme scénariste sur différentes séries. Et avant ça, savais-tu, mon cher James, et vous tous, qu'il a commencé comme assistant du réalisateur Richard Donner, qui on doit le premier Superman, Les Armes Fatales, et bien sûr ce film que tu détestes, Les Goonies. Mais c'est Les Goonies, c'est nul. C'est un trésor mondial, ce film. C'est un très mauvais film. Parce que tu es mort à l'intérieur. Oui, comme Chandler. Et donc après, il a un peu bossé chez Marvel, mais ça a pas trop marché, et il a fini donc chez DC, où il a travaillé sur les séries Flash, Green Lantern et notamment Justice League. Et c'est également lui à qui on doit Infinite Crisis. Oui. Voilà. C'est un scénariste qui est très très prolifique, qui a beaucoup bossé chez. Il a bossé sur Aquaman, sur l'Infinity Two, il est sur pas mal de titres. Ouais. Et donc ils ont voulu le garder, et maintenant, comme tu l'as dit. Et maintenant, c'est le président de DC Entertainment, donc il gère plus le côté comics, mais il va plus le cinéma et les séries télé, tout ça. Merci, Jack. Donc voilà. Et avec de la chance, il va nous sauver. Ouais, voilà, il va tous nous sauver. C'est le Messie. Espérons. Vive Jeff Jones. Espérons. Moi, j'adore Jeff Jones. Je trouve ça un super scénario. Alors, la BD donc, qui nous présente aujourd'hui. Donc, elle Jeff Jones présente Flash. Oui, mais bon, voilà. Elle se découpe en fait en trois histoires. Ouais. Donc, on a les deux premières histoires, j'ai à peu près bien aimé, surtout la deuxième. Et la troisième, j'ai pas trop aimé. Alors, je vais vous dire pourquoi, les enfants. Vas-y, explique-nous. Alors, la première histoire, en fait, est assez sympa. C'est qu'on a notre petit Flash, donc Wally West, qui se réveille en fait dans un monde où personne ne le connaît, et en plus il a plus ses pouvoirs, c'est ballot. C'est dommage. Et j'ai bien aimé ça en fait, parce que on a vraiment le fait qu'il se retrouve sans pouvoir, qu'il doit justement gérer tout ça, qu'il n'est pas ses seul, alliés, cool. Voilà. Il se retrouve à devoir être allié avec certains méchants. Le meilleur méchant de toute l'histoire des comics. Vas-y, je te laisse le dire. Donc c'est un des méchants, il y a un groupe de méchants qui est très très emblématique chez Flash, ça s'appelle les Rogues, donc les Lascars en VF. C'est mieux en anglais. Hein. Oui, les Rogues, c'est un peu plus classe. Ouais, parce que les Lascars... Et en fait, ils sont gérés par... C'est des cambrioleurs, mais c'est des gens qui ont une éthique. Ils vont pas buter. Enfin, ça dépend des runs. Des fois... C'est des gentils méchants. Ouais, c'est des gentils, des gentils qui sont méchants. On est méchants, mais avec des principes. Captain Cold, il se fait plaisir, hein, niveau meurtre. Ouais, mais ça dépend. Alors donc, on a Captain Cold. Il y a Captain Cold qui a un flingue, qui est un flingue qui comme Freeze, quoi. Mm-hmm. Il y a Heatwave, donc Heatwave qui fait du feu. Le maître des miroirs, il est dedans. Le Mirror Master, ouais, il est dedans aussi. Il y a Trickster aussi, des fois. Donc, c'est un groupe de c'est un peu des grands losers, mais un peu des losers magnifiques qui sont très cool. Et Captain Cold est très comme ça. C'est un mec qui a beaucoup de il a beaucoup d'ambition, il a beaucoup d'ego. Ouais, et moi j'adore ce personnage. Enfin, moi ce que j'ai bien aimé dans cette histoire, c'est que je trouvais que ça changeait un peu, parce que je trouve que dans Flash c'est toujours pareil dans ce que j'ai lu. C'est genre, il arrive, il a un méchant que c'est le méchant, il fait son affaire, c'est fini, ou alors il y a une histoire de voyage dans le temps, et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit courir vite pour arranger les choses, quoi. Oui, là, c'est il un y peu avait la solution un peu plus de avec choses, quoi. Enfin, c'est mon avis. Et la deuxième histoire qui était pas mal aussi, que celle que j'ai préférée, c'est une histoire avec une secte, où c'est en gros. Enfin, je sais pas si je peux tout expliquer, parce que j'ai peur que ça spoil un peu ce que veut faire le gars, quoi. Bon, en gros, ce que je peux dire, c'est que le méchant, il va voir des gens que Flash a sauvés pour une raison précise. D'accord. Je pense qu'on peut dire comme ça, pour pas trop spoiler. Ça spoil pas trop. C'est un bon petit résumé. Ouais. Voilà, mais pour moi, tu n'as pas lu la deuxième histoire, tu m'as pas. Bon, ça va. Mais je trouvais ça assez sympathique en termes de rythme, c'était bien écrit. Et par contre, la troisième histoire, alors là, j'ai pas aimé du tout, parce que c'est une histoire d'une meuf qui s'est tapée Flash chez un autre gars, et elle sait pas qui c'est le père de son gosse. Enfin, je veux pas dire, mais on s'en fout un peu, quoi. C'est un peu la dernière histoire de remplissage. Mais voilà, mais moi, Flash, je veux des histoires qui pètent avec du rythme, avec des méchants et tout. Et il y a un autre point que je peux reprocher donc à monsieur Jones, c'est que je trouve que c'est méchant, mais c'est caricatural. C'est genre, ah, je suis le méchant, je ris, hop, salut, on passe à un autre méchant, je suis méchant, je ris. D'accord avec toi. Je ne retiens absolument pas les noms des méchants, quoi. Ça m'a un peu. Après, mais c'est très sympa à lire. C'est la caractérisation de Cold et de Mirror Master, ils sont comme ça, quoi. C'est un côté Silverhead, justement. Oui, ouais, bah oui. Voilà, moi, ouais, mais moi, j'aime qu'il y ait des vrais méchants, des vrais enjeux. Il n'y a pas d'enjeu, je trouve, là. Ça c'est dommage. Je ne suis pas d'accord. Vas-y, je t'écoute. En fait, il y a un thème récurrent dans toutes les histoires, et autant dans la première, il y a ce côté Alice au pays des merveilles, il y a des citations de Lewis Carroll au début de chaque chapitre, etc. C'est vrai, et en fait, Flash est bloqué dans un monde. Dans un monde avec des fonctionnements parfois même où la réalité elle-même elle change, ce genre de choses. Et le côté Alice au pays des merveilles vient dedans. Et il y a un thème qui est récurrent dans toutes les histoires, qui est Wally West n'est pas le premier Flash, il vient après quelqu'un d'autre. Et autant la première, il se retrouve face à quelqu'un qui aussi a dû récupérer entre guillemets l'héritage de quelqu'un d'autre, et qui lui en veut en lui disant, toi tu m'avais dit ne le fais pas machin, et toi t'allais récupérer l'héritage de l'autre personne, en gros. Et en fait, le truc, c'est que les deux histoires jouent avec le thème de... J'ai commencé comme un adolescent mal dans ma peau qui n'arrivait pas à régler ses relations correctement. Aujourd'hui, je suis un super-héros. J'ai réussi à devenir quelqu'un d'équilibré, qui a une femme, une famille, etc. Et du coup, il doit gérer ça, en fait. Et l'effet qu'il a sur le monde, aussi bien en tant que personne, dans ses relations personnelles avec... que ça va être une ex ou autre chose, aussi bien son statut... limite divin, de gars qui peut changer la réalité juste en courant, et de l'effet que ça a sur la population autour de lui. Donc les méchants sont certes caricaturels parce qu'il y a ce côté Flash. Il y a un épisode de la Ligue des Justiciers où, qui était entièrement dédié à Flash. C'était pareil, c'était, ça avait ce côté un peu funky où on se prend pas au sérieux, etc. Oui, mais c'est très lumineux. Voilà, très... mais tous ces méchants sont introduits parce qu'ils ont, ils ont une importance dans l'évolution psychologique de Wally, en gros. Ils ont tous un effet sur comment il voit sa propre vie, en fait. Mais le problème, c'est que je trouve que c'est... Tu vois, si tu t'investis pas assez, tu passes à côté de ça. Parce qu'au bout d'un moment, je sais pas, moi, c'est un peu... Ça me fait sortir du truc, quoi. Qu'est-ce que t'es méchante avec ce titre. Mais et vous qui l'avez lu, parce qu'on l'aura passé pour le lire. Je voulais leur poser une question après, vas-y. Vas-y, pose ta question. Je veux juste dire, par contre, ce que j'avais aimé, c'est qu'au début, ils te résument un peu les choses. Et je croyais que quand on connaissait pas trop le perso, ça permettait quand même de rentrer bien dans l'histoire et de comprendre où on se situait. Et du coup, je vais demander... L'éditorial de Urban est bien fait pour ça. Oui, non, mais je te parle au début du titre. Ah, même au début. Du coup, je voulais vous demander, donc, comme vous connaissiez pas, si finalement vous avez pu rentrer facilement dans l'histoire, comprendre un peu qui il était, d'où il venait. Ouais, moi je pense que dans l'ensemble, au début, moi j'étais un peu perdue avec cette histoire de... Vraiment dans les premières pages, quand il arrive dans le commissariat et qu'on sait pas vraiment ce qu'il fait là et tout. Mais je trouvais que c'était abordable, je veux dire, même pour quelqu'un qui n'en avait pas forcément les connaissances. Nous après, dans un second temps, on a fait pas mal de recherches pour se mettre à la page, pour en discuter aussi avec vous aujourd'hui. Mais je pense que même pour quelqu'un qui connaît pas tant Flash, je pense que c'est abordable. Après, c'est mon avis. Marc ? Ouais, c'était mon premier comics Flash. Et j'avais vraiment l'impression d'être perdu au début. Il y a beaucoup de personnages en même temps. Ouais, mais je savais plus quel Flash c'était. J'avais très peu de notions finalement de. Est-ce que t'as lu l'introduction avant ? Ouais. Il fait le récap, il fait la chronologie. Mais voilà, les 10 premières pages, il m'a fallu un petit peu d'adaptation. Le comics, c'est toujours un peu ça. T'as un besoin d'un peu de rentrer dans, de te mettre dans le bain et de. Surtout avec des trucs comme ça où il y a beaucoup de continuité derrière. Ouais, parce que c'est souvent les histoires dans les univers partagés comme ça. Tu démarres ton histoire, mais en fait, c'est un peu comme regarder la saison 65 d'une série télé. Ouais, mais c'était un peu cette impression. Voilà, et du coup, tous les personnages se connaissent déjà, ils ont déjà toute une histoire derrière eux, et en fait, tu dois souvent lire en te disant, bon, ok, ils se connaissent, ils ont fait des trucs. A priori, tout ce qu'ils mentionnent dans l'histoire, c'est ce qui me sera utile, ce qu'ils ont pu faire d'autre, tu t'en préoccupes pas, en fait. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il manquait des clés de lecture. Voilà, et bon, après, c'est géré plus ou moins bien. C'était pas non plus complètement obligatoire, quoi. Mm-hmm. Ouais. Donc ça a été quand même si c'était un peu compliqué. Oui, ça s'estompe très vite. Et après moi j'avais aussi quelques réticences sur les méchants que je trouvais un poil kitsch. Très années 70. Ah, mais ça c'est une marque de Flash, je trouve. C'est le but, c'est Flash. Mais après le personnage de Wally, le méchant le plus emblématique de Flash, c'est un gorille. Ah, c'est celui qui qui est télépathe. Donc il a un côté comme ça, c'est tellement barré que c'est pas grave. Ça à la limite ça passe. Mais il est cool le perso. Ouais, le perso il est très cool. Est-ce que tu as envie de donner ton petit avis sur le dessin ? Oui, donc le dessin. Alors, je vais en parler par histoire, en fait, parce que les graphismes changent. Mais c'est pas le même dessinateur. Non, ce ne sont pas les mêmes dessinateurs. Donc, j'ai récupéré la liste des noms, carrément. Il y a un Angel Unzuela qui fait le dessin, le crayon pour la première histoire. Ouais. Et ensuite, les autres dessinateurs, il y a Ethan Van Skiver, José Marzan Jr., Scott Collins et Doug Hazelwood. Donc après, j'en connais aucun. Voilà, pareil, j'en connaissais aucun avant de lire ce livre. Et donc en fait, la première histoire, donc celle qui a ce côté Alice au pays des merveilles, et avec les voyages dans des mondes parallèles, etc. Le dessin est, comment dire, il s'y porte bien. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'histoire se base sur le concept de bizarre, en fait. Le gars est lancé dans un univers où il comprend pas comment les choses fonctionnent. Au départ, il est dans un univers inversé où les choses ne se sont pas passées comme dans son monde à lui. Puis ensuite, ça part avec des bonhommes en porte d'épices qui mordent les gens, ce genre de trucs. Et le dessin est étrange. Il y a beaucoup de plages de noir, les personnages sont tous déformés. Et je trouve que le choix du dessinateur a été une très bonne décision parce que justement, il arrive bien à transmettre cette idée de limite horreur, en fait. Il y avait des petits moments où j'avais l'impression de regarder un film d'horreur. Et la deuxième histoire, c'est celle qui avait mon graphisme préféré parce que c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus soft. Et même au niveau de la couleur, autant c'était très flashy dans l'histoire dans la première histoire. Ouais. Avec un côté Silver Age, pareil. Autant dans celle-là, le coloriste avait plus... il était plus parti dans des ambiances. Parce que là, on était de retour dans le monde normal. et il retournait un peu à son quotidien habituel. Du coup, dans le graphisme et dans les couleurs, etc., c'était bien retransmis aussi. Et ça avait aussi un aspect très... je pense que réaliste serait le mieux. Ça retranscrivait bien en fait l'horreur de la situation dans laquelle il se trouve au bout d'un moment. Pour toi, forcément, vu que t'as pas fini. j'ai pas eu le temps de finir le comic, malheureusement. Mais du coup, j'essaie d'expliquer sans trop spoiler en fait. Mais pour une histoire qui justement se base sur la responsabilité de Flash en tant que figure publique, le dessin retranscrivait bien justement ça. La troisième histoire, elle a des côtés très films d'horreur. Où on prend des personnages, on les met dans un endroit tout clos et il y a une espèce de maladie qui fait mourir des gens et le dessin a des côtés gravure. Okay. Et ça marche vachement bien avec ça justement. Donc en fait, je dirais que le gros plus au niveau graphisme pour ce livre-là, c'est que chacun des dessinateurs a vraiment été choisi pour correspondre au ton de l'histoire et il apporte vraiment quelque chose. Ok, on va faire un petit tour de table pour finir sur ce titre. On va commencer par toi parce que c'est toi qui ouais. a commencé. Bah ouais, bon. Est-ce que tu le conseilles quand même? Ouais, parce que quand même ça se laisse lire, même s'il y a voilà certains défauts, des choses que j'aurais voulu un peu plus mises en avant. Mais ça se laisse lire quand même, ça occupe et puis. Est-ce que tu le conseillerais pour débuter sur Flash? Bah moi je dirais ouais parce que quand même t'apprends certains trucs, ça te pose la situation. Ça te met dans l'ambiance un peu. Mais je pense qu'il faut quand même avoir son téléphone ou son ordi à côté pour vérifier certains détails. Mais je pense que pour rentrer dedans, ça peut être un bon début, ouais. Ok. Lolita, un petit avis vite fait. Moi j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé. J'ai aimé les dessins du premier. J'ai aimé le fait qu'on voie une apparition de Jay. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Sinon, ouais, je pense que je le conseille facilement. Je suis contente d'ailleurs de pouvoir l'avoir lu grâce à vous. Ok. Marc ? Ben, moi, pour revenir juste une seconde, je dirais que la troisième histoire, finalement, elle est assez courte. Ouais. Et donc presque anecdotique. Oui, mais c'est pour remplir un peu. Ouais, voilà, il faut se concentrer sur les deux premières. Ouais. Et moi, je le conseillerais pour la première, qui m'a plus. Ouais, je dis même. Enfin. J'ai pratiquement fini la première et j'ai vraiment kiffé donc. Ouais, voilà tout le miroir de Lewis Carroll, tout ça. Ouais, c'est sympa. Puis les personnages, donc moi j'aime beaucoup. Ouais, moi j'aime beaucoup. Mais je pense que je conseillerais quand même de commencer Flash par le run New City 2. Donc Flash 1, 2, 3 que vous retrouverez chez Urban. Donc c'est le run de Buccellato et de Manapool. Donc Manapool, je pense que je l'ai déjà dit assez de fois ici. J'adore ce dessinateur, c'est mon dessinateur favori. Et voilà, commencez par ça, c'est parce que c'est génial. Et en fait, j'avais oublié que tu voulais faire un petit. Tu m'avais demandé de te faire un peu un point sur les adaptations de Flash. On a le temps là, vas-y, si tu veux. Bon, vite fait. Comment retrouver Flash autrement qu'au comics? Alors, autrement qu'au comics, il y a déjà par l'animation. Donc, on a vu Flash dans des séries animées comme par exemple Justice League. Ouais. Dans Young Justice, on retrouve. D'ailleurs, c'est Wally West dans Justice League. Tout à fait. Dans Young Justice, on retrouve le jeune. Bah, Wally West et Barry Allen, on les retrouve tous. Voilà, et en fait, dans les séries animées, Flash, il va être plutôt considéré comme le comic de service, qui va faire sa petite blagounette, qui va essayer aussi d'être un peu la colle de l'équipe et empêcher les disputes. Il n'a pas un rôle souvent très sérieux et dans certaines adaptations, moi perso, je le trouve des fois un peu lourd, alors que le perso dans le comic, c'est pas du tout. Non, je sais que c'est vraiment ce que tu disais, c'est vraiment lui qui, enfin dans l'animé, c'est vraiment lui qui met tout, qui réunit toute l'équipe. C'est ça, parce qu'on a souvent genre des disputes Batman-Superman et il va essayer un peu de calmer. Je crois qu'il y a un épisode, il y a un bout d'un arc où il disparaît et du coup, tous les personnages se séparent parce que malheureusement il est pas là. Et... Ouais, c'est plus ou moins ça. Il y avait aussi la ligue de. J'ai oublié. Comment il s'appelait encore? Enfin bref, une ligue des justiciers d'un univers parallèle où leur Flash est mort et ils sont devenus fascistes. Ah oui, c'est vrai, oui. Voilà. Mais ouais, c'est paradoxal parce que le Flash des BD est beaucoup plus sérieux. Oui, il est moins drôle, ouais, le moins après, dans ça, la petite vanne. C'est une habitude des livres ou des séries où on met plein de personnages ensemble qui normalement ont leurs aventures solo. Mm. C'est qu'on prend leur trait de caractère qui les différencie des autres et on le monte à fond. Mais il a quand même ce côté un peu. Il fait ouais, beaucoup de vannes. C'est quand même Wonder Woman qui devient souvent plus agressive dans les bouquins où elle est en équipe avec d'autres gens pour justement montrer le côté Amazon guerrière, tout ça. C'est ça. Alors par contre dans les séries télé c'est pas pareil. Dans par exemple la première série qui avait été faite en 90 et qui est passée en 91 chez nous, donc qui s'appelait donc Flash avec une seule saison, voilà, et qui est également dans la nouvelle série Flash. La très oubliable série. Voilà, et sachez que cette série d'ailleurs a été faite par Danny Bleason, qui est le showrunner de cette série magnifique qui s'appelait The Sentinel. Il racontait l'histoire d'un homme qui pouvait voir à 3 km mais qui voyait pas devant lui, qui marchait dans un caca en gros. Ouais, il avait des sens hyper développés. Ouais, voilà. Alors là, on avait une série qui plaçait en fait le Flash comme un policier avant tout, qui faisait ses enquêtes et tout, qui était en même temps super héros, qui était le type de héros normal avec voilà, le sens de la justice, le bon, qui essaie de. Oui, de... Il y avait une ambiance très Batman Tim Burton, tout ça dans cette série. Non, pas du tout. Ah bon, bah, pas du tout. Pour moi, c'est... Alors, c'est sorti juste avant la série Lois et Clark, et je trouve qu'on a le même style d'ambiance. Oui, un peu. Avec voilà, des costumes. Un peu plus sombre quand même que Lois et Clark. Ouais. Non, plus. Ah ouais, je sais pas. Moi j'en ai un souvenir pas trop sombre, hein, franchement. Ah ouais, quand tu vois le costume. Parce qu'il y a eu beaucoup de méchants assez, on va dire, un peu drôlissimes. Avec notamment le magnifique Mark Hamill dans le rôle de Trickster, qui est juste complètement fou, qui est génial. Une espèce de Joker. Et puis, le costume de Flash, on aurait dit un espèce de velours collé sur le polystyrène pour faire des faux muscles. Mais c'était magnifique. Enfin, j'adore cette série. Ça a duré qu'une seule saison, mais je vous conseille de regarder parce que c'était vachement sympa. Ça vaut plus le coup que la nouvelle. Et justement, la série CW, alors là, on a un Flash qui est quand même assez gnangnan, qui est un peu cucul à praline, voire méga hyper innocent, entouré de personnages plus agaçants les uns que les autres. Je pense notamment au sosie officiel de Jacob de Twilight. Light, la Cisco qui vous êtes méchant. Sa copine, comment elle s'appelle, Iris West. Ah, Iris West. La meuf. Un des personnages je veux pas spoiler, mais. Attends, je suis une fille, mais cette meuf, c'est la fille la plus conne que j'ai vue de ma vie, quoi. Il y a un gentille. Moment dans le début de la première saison, elle découvre l'identité de Flash, mais elle découvre l'identité, mais d'une façon complètement débile. Tais-toi. Laisse-moi parler de la série vite fait, Jack. Et en fait, donc dans la vision CW, au lieu de se concentrer vraiment dans l'histoire et dans les ennemis, je trouve qu'on se concentre un peu plus sur les histoires d'amour, qui est un peu le défaut. Dans la série CW, qu'on retrouve également dans Arrow, sachant que donc Flash et Arrow sont dans un même univers partagé avec Supergirl. Et voilà, c'est pas super. Le héros, le héros est pas terrible. Il est joué par un gars qui était dans Grand Ghosting, vraiment. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu les infos, il prévoit de faire un crossover musical entre Supergirl et Flash. En ce qui me concerne, je suis très content. Ah, tu vois, le fan de lui? Non, j'irai pas jusqu'à fan, j'ai vu quelques épisodes. Mais non, c'est juste que j'aime bien les épisodes musicaux en fait. Je sais pas pourquoi j'ai toujours. Moi j'aime quand c'est bien fait. Quand mais c'est là, bien fait, c'est bien. Oui, d'accord. Bah, Buffy par exemple, il y avait un épisode où ils ont chanté Buffy à la fin. C'est Whedon, c'est Whedon. Mais d'ailleurs, justement. Tu vois l'épisode de Daria, tu dis ouais. Ah ouais, non, mais parce qu'il est très mal doublé. Il est très mal doublé. Non, mais là par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans les rumeurs de ce projet musical, les réalisateurs voudraient que. Enfin, les showrunners voudraient que Whedon réalise l'épisode et ils voudraient Neil Patrick Harris en méchant. Donc en musique master. Ouais. Voilà, non, mais c'est. Enfin, c'est n'importe quoi. Et tu veux me parler vite fait dans les films, puisqu'on l'a vu deux fois. Oui, alors dans les films, il est apparu donc vite fait dans Batman vs Superman avec une petite scène d'intro où en gros. On se moque pas. Il est dans une épicerie, je sais pas, avec des cheveux. Non, elle est géniale cette scène d'intro. Tu parles pas de l'autre scène qui. J'allais parler dans Suicide Squad où il arrête Captain Boomerang, c'est ça? Ah non, je parle de la scène de Batman vs Superman où il apparaît dans un trou dans le. Ah oui. Oui, mais ça, c'est un peu trop spoiler. Oui, c'est vrai que c'est un peu spoiler. Parce que l'autre, ça avait fuité sur Internet. Tellement longtemps aussi. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il apparaît de façon, on va dire, bizarroïde dans les films. On le voit aussi dans Suicide Squad et on le voit un peu plus dans une espèce de bande-annonce promo qui a été faite spécialement pour le Comic-Con de 2016. Qui est génial, c'est juste une grosse promo où ils te montrent genre voilà, Flash il va être comme ça. Alors, ces films sont faits avec une logique qui m'étonne beaucoup parce qu'ils font du teasing pour des personnages que techniquement tu ne les connais pas, tu ne les as jamais vus donc. En fait, les connais parce qu'ils sont dans Non, mais voilà, c'est-à-dire que c'est un peu comme Man of Steel. C'est un peu comme Man of Steel où tu passes une heure et demie à t'entendre dire qu'il est génial et qu'il va faire des choses extraordinaires et tout ce qu'il fait techniquement dans le film c'est casser des trucs. Donc pour une personne qui connaît pas Superman, pour une personne qui connaît pas Superman, c'est-à-dire prenons un alien, voilà, qui n'aurait même pas le concept de Superman, tu lui montres le film, vierge qu'il est, il va te dire je vois pas en quoi il est extraordinaire votre gars. Donc en fait les films en général de DC ont cette tendance à se baser sur la connaissance extérieure que tu as. Bah en fait, je trouve que le Man of Steel c'était plus basé sur le parcours, c'est une de savoir qui est vraiment l'homme derrière Superman. Est-ce que Superman c'est Clark Kent ou est-ce que c'est Superman? Et là, on a le Superman qui apprend à être humain. On n'est pas dans une émission sur Superman. Voilà. Non, mais en fait, j'ai l'impression, juste pour terminer, que dans les films, ils ont l'air de vouloir renouer avec le côté comics, à savoir un Flash qui fait des choses et qui balance des petites répliques à Spider-Man. Ouais. Quoi. Voilà. Et on va passer à la deuxième. deuxième pause musicale et c'est un truc dans le thème puisque c'est la balade de Barry Allen. Je ne sais plus qui c'est qui déjà. Tu l'as noté le non, l'artiste. Pas non, c'est pas grave. Je pourrais chercher. On demandera en régie, nous diront tout à l'heure. Et donc voilà, c'est parti pour la balade de Barry Allen. I've got time to think about the beauty of a thousand variations of the beating of a wing of a hummingbird suspended in the aspic of the world, moving slower than molasses as I'm off to catch the girl who's falling off the bridge, and I'm there before she knows it. I'll be gone before she sees me. Got my hand around her waist, I pull it back to safety. By the time she knows what's happened, there'll be someone else who needs me. Cause time keeps dragging on and on and on and on. I've got time to think about my past as I dodge between the bullets, and my life was so exciting before I got this way, and how long ago it was now I never can explain, by the clock that's on the tower or the one that's in my brain. And I'm there before you know it, I'll be gone before you see me. And I'd like to get to know you, but you're talking much too slowly. And I know you wanna thank me, but I never stick around. Cause time keeps dragging on and on and on. And you say that time goes rushing by, you seem so slow to me. And you see a blurry I'd never gone into my lab to experiment that night before lightning flashed around me and time changed speed. Now I gotta try to be so patient until calamity will strike, because when things change in an instant, it's almost fast enough for me. And I'll be there before you know it, I'll be gone before you see me. And do you think you can imagine anything so lonely? And I know you'd really like me, but I never stick around. Cause time keeps dragging on and on and on and on and on. And you say that time goes rushing by, it seems so slow to me. And you see a blur around you fly, it takes so long, it seems so slow. And you say that time goes rushing by, it seems so slow to me. You complain I'm gone before you blink your eye, it takes so long, it seems so slow. And you say that time goes rushing by, it seems so slow. C'était Jimmy Bigego avec la balade de Barry Allen. Voilà. Et vous êtes toujours sur Comics Discovery. Toujours. Je dis deux fois sur, mais ça fait. Tu veux que je le dise ? Vous êtes dans Comics Discovery, une émission qui passe sur Radio Campus, une merveilleuse radio de Montpellier. C'est exactement. Fantastique. Exactement. Et on va vous parler de nos deux invités. On a 5 minutes pour vous parler de vous. va laisser peut-être. Ouais, on va vous laisser vous présenter ce que vous faites. Parce que vous faites des études de sociologie, c'est ça? Ouais, ouais. Ou ouais, allez-y, je vous laisse. Allez-y, recrutez. Je laisse la parole à ma chère collègue. Très bien. Bah, en fait, voilà, on fait des études de sociologie. On est en Master 2 à Paul Valéry. Et du coup, on a respectivement des mémoires à faire pour la fin de notre master. Et donc, moi, j'ai choisi les super-héros de la pop culture. C'est pour ça aussi qu'on vous a trouvé. Et Marc, du coup... Ouais, moi, je m'intéresse à l'état de l'industrie du cinéma en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça pourrait évoluer? Ah, je te sens rigoler déjà. Et tout l'impact culturel que ça a chez les gens, toute cette geek culture que ça développe. Ok. C'est très intéressant comme... Et donc, je crois que vous cherchez des gens peut-être pour poser des questions, des profils différents, ça peut vous aider. Ouais. Profitez-en, faites un appel. Ouais, allez-y, vous pouvez y aller. Alors, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas forcément... Que cherchez-vous comme profil? Comment on peut vous contacter si on veut vous aider dans sur votre... Facebook. Ouais, bah à la limite, ouais, pourquoi pas sur Facebook. C'est vrai que ça peut être une bonne chose. On a contacté déjà... Bah, Monsieur Garcin, qu'on va sûrement revoir fin mars. On vous a trouvé, vous, ce qui était une chance incroyable. Bah, au pire, si les gens veulent participer, bah, peuvent toujours nous contacter sur la Comedy page Discovery, oui, ouais, ou même sur Amical du Geek. On fera suivre comme on ça. On fera suivre les trucs. Toi, Louis, t'as un questionnaire. Ouais, j'ai un questionnaire. Donc, ah, bah, t'as pas un comptais. Google Form, au pire, on s'intéressera ouais, à Google Form. Bah voilà, tu nous passes le lien, on le mettra sur la page. N'hésitez pas à aller partager le. Enfin, à aller répondre au questionnaire. Allez, aider deux étudiants sympathiques qui a parlé de pop culture, de super. Vous avez choisi la tout. Pop culture et le cinéma comme... Alors écoute, on choisit des thèmes qui nous intéressent surtout. Ouais. C'est assez libre le choix et il faut que ça te parle. Ok. Parce que si c'est un thème qui t'intéresse pas quand même. Effectivement. Ça aide d'avoir un truc qui t'intéresse plus qu'autre chose. Bah voilà. Oui, vous avez quelque chose à rajouter? Bah du coup, attends, je t'ai entendu. Ah oui, il y avait des questions, c'est vrai. Attends, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai évoqué l'état de l'industrie du cinéma. Oui. Non, j'ai. Comment dire? Quand on dit l'état de l'industrie du cinéma, ça me fait toujours penser à la même chose. J'avais dit il y a environ... Bah, quand Disney a refait Cendrillon, et qu'on a senti que ça allait pas être le seul... Ouais, ouais, toute une série d'adaptations voilà, live. Et j'avais dit, le jour où ils refont Le Roi Lion, je m'étonnerais plus de rien niveau... Mais ils vont le faire. Niveau exactement. Et donc niveau remake et Aladdin, reboot et machin. Et du coup, ben, Le Roi Lion a mais été ouais, annoncé. C'est exactement un petit peu le sujet de mon étude. D'où mon rire, justement. Ah, bah, je peux t'en parler, les adaptations Disney, ça va bien énerver Cendrillon, la belle. Elle est la bête, ça m'énerve. Mais là, ils accélèrent en plus. Mais ne les regarde pas, moi je les ai pas vus. Mais Eliot et le Dragon, c'était pas mal. Hein. Peut-être. Enfin, mais là, c'était un remake d'un film, donc c'est ouais. Pas pareil. Ouais. Ah, mais ça touche mon sujet, donc j'écoute attentivement. Moi, je t'en parlerai. Ouais, tu pourrais même aller contacter, parce qu'il y a une émission de cinéma sur Radio Campus Montpellier, ça s'appelle Cinémascope. Donc, je prends le lien avec eux si tu veux. Tout à fait, mon cher James. Et bah, on va finir sur ça, je crois. Ouais, du coup, ouais, on fait pas d'attente, pas de questions. Bah, on a pas trop le temps. D'accord, bon alors. C'est un peu tard. Donc, on va lancer ton morceau parce que tu avais choisi. Un morceau qu'il est trop bien à écouter. Exactement. C'est une musique de Reservoir Dogs, ce film génialissime de Quentin Tarantino. Donc, la Stuck in the Middle with You. Voilà. Moi, je vous appelle à aller répondre au questionnaire de Lolita qu'on partagera. Voilà, ou nous envoyer un mail pour dire ah, j'ai envie de participer, de donner mon point de vue. Dites on va partir. Faites ça. Sachez que vous pouvez. On a une petite annonce avant de finir. On est mardi, à moins que ce soit la rediffusion. Sachez que vous pouvez nous écouter normalement tous les mardis de 18h à 19h. Mais on va changer de case horaire à partir de la semaine prochaine. On va passer le lundi de 18h à 19h. C'est plus simple pour nous. Donc vous pouvez nous écouter le lundi de 18h à 19h sur Radio Campus Montpellier, sur le 102.2.fm. Et aussi en rediffusion le vendredi de 9h à 10h, toujours sur Radio Campus. Vous pouvez aussi nous retrouver en podcast sur PodCloud, sur iTunes, sur toutes vos applications de podcast, sur comicsdiscovery.fr, Facebook, Twitter, Instagram, tout ça. @ ouais. Vous pouvez retrouver Juni aussi sur Instagram, Juni, tout ça. Et vous avez tous les liens sur comicsdiscovery.fr et on va finir sur ça. Tout à fait. Allez, bye. Bah, merci, au revoir. Ouais, merci. Salut. Sleep on the floor, get out of there. the rain.